the skinless man's feet, from the perfume of love, being a part of the game. All delights suffer free, from no catchy love can be. Change your heart, change your name, be a clown in the street and sing. Sa, sa, sa, c'est la vie. Oh, oh, oh, oh, sa, sa, sa, c'est la vie. Le chat, c'est la vie, la baguette. C'est la vie, un hasard. Oh, one night, plus toilette. C'est la vie, broken heart. C'est la vie, please don't cry. C'est la vie, when you part. My old wise, not my bite. C'est ça, ça, ça, c'est la vie. Oh, oh, oh, oh, ça, ça, ça, c'est la vie. Oh, oh, oh, oh. Take a lesson, travesty. Drink the finest champagne on the wilds out of the Seine and sing. Ça, ça, ça, c'est la vie. Oh, oh, oh, oh. Ça, ça, ça, c'est la vie. Oh, oh, oh, oh. C'est la vie, un casar, oh, one night with Colette. C'est la vie, broken heart. C'est la vie, please don't cry. C'est la vie, when you part, my au revoir, not my bye.